Le ministère des Affaires étrangères de la République populaire démocratique de Corée a publié le 16 courant un communiqué contre les États-Unis et leurs suivistes qui intensifient extrêmement les menées de sanctions et de pressions lâches contre notre pays. Le communiqué indique notamment: les États-Unis et leurs satellites mettent en cause à tort et à travers l'exercice de notre droit autodéfensif, livrent sans cesse les menées illégitimes et injustes de sanctions et de pressions, et à l'heure actuelle poursuivent ouvertement l'objectif criminel destiné à étouffer complètement notre économie et la vie de notre peuple. Ils ont notamment agrandi massivement l'interdiction de l'exportation des ressources souterraines telles que le charbon et appliqué aveuglément le contrôle sur les matériels soi-disant à double usage pour empêcher même la vie de la population et les affaires économiques normales. L'article des marchandises de luxe de la clause de sanction de la résolution numéro 2270 adoptée au Conseil de sécurité de l'ONU inclut même les équipements sportifs, ce qui est vraiment incompréhensible. Les menées de sanctions et de pressions barbares et sauvages des forces hostiles étendent leurs tentacules même au secteur sanitaire destiné à l'amélioration de la santé des gens et au domaine humanitaire. Voir, certains pays européens fouillent les affaires des possesseurs de passeports diplomatiques sans égard aux règlements et à la coutume reconnue au niveau international, confisquent les articles ménagers et les produits de beauté déjà utilisés, les boissons et même les bicyclettes pour enfants sous prétexte de marchandises prohibées, et se conduisent témérairement en refusant d'assurer les privilèges diplomatiques élémentaires. Le premier auteur de ces menées hostiles contre notre République, ce sont les États-Unis qui, pour entraîner d'autres pays à leurs sanctions, remuent ciel et terre. Parallèlement, ils violent ouvertement la charte de l'ONU et le traité de Vienne sur les relations diplomatiques et le droit international et obligent tous les pays du monde en lien diplomatique avec notre pays de les interrompre ou d'abaisser leur niveau. Les États-Unis et leurs alliés qui n'ont subi jusqu'à présent que la défaite honteuse dans la confrontation politique et militaire avec nous, ont beau se démener avec la sanction et la pression lâche et cruelle, ils ne pourront en aucun cas empêcher la marche de la Corée pour la victoire finale dans l'édification d'une puissance socialiste à l'aide de l'esprit de se renforcer soi-même.